En un mouvement gracieux, une fille se déhanche. Je mets moi d'élégance à tuer mes nuits blanches. En me voyant, les gens pensent que je danse, mais je me tords. Peut-être un peu tordu, tout de même un peu tordu, et même vraiment tordu. Quand je me tords, tu l'arrière-toi. Quand je me tords, j'y vais avec entrain. Quand je me tords, moi je me tords, tu les ménages. Je me suis qu'à dit que l'homme descend du singe. N'avait pas tort. Faut être un peu tordu, de même un peu tordu, et même vraiment tordu. Qui est à la fête?